l'avais assommé, t'as ouvert tes volets. À nouveau la pluie s'est mise à tomber. Tu repars au travail, tu n'as pas le moral. Tu étais fourmi, deviens cigale. Le meilleur moyen d'aimer la vie, c'est la musique. C'est bon quand elle joue comme aujourd'hui dans notre équipe. Qu'est-ce qui nous rapproche des jours heureux? C'est la musique. Même avec des larmes aux yeux, on chante et ça va mieux. Jours sans amour, les départs sans retour, pour tous les silences qui nous tournent autour. J'ai la bonne solution, simplement remplaçons notre envie de rien par une chanson. Le meilleur moyen d'aimer la vie, c'est la musique. C'est bon quand elle joue comme aujourd'hui dans notre équipe. Qu'est-ce qui nous rapproche des jours heureux? C'est la musique. Même avec des larmes aux yeux, on chante et ça va mieux. Comme aujourd'hui dans notre équipe. Qu'est-ce qui nous rapproche des jours heureux? C'est la musique. Même avec des larmes aux yeux, on chante et ça va mieux. Bonjour à tous les auditeurs et auditrices de Radio Gémozo 107 FM. Il est donc 16h. Nous sommes jeudi 25 juin. Il fait 36 degrés. Il fait chaud. J'espère que vous êtes bien installés, bien au frais, à la maison, je ne sais pas, devant la piscine par exemple, et puis que vous nous écoutez, que vous êtes sur les ondes de Radio Gémozo. Alors vous nous suivez également sur le web, www.radiogémozo.eu, ainsi que sur les réseaux sociaux. Bonjour le Québec, il est 10h. Alors je fais un petit coucou à ma petite équipe. Je vais y arriver. J'y bois un coup. À ma petite équipe. Voilà, ben au Québec, je sais qu'il fait un petit peu moins chaud. Alors bonjour Lia. Bonjour Gilou. Alors on est jeudi 27. Oui. Ah oui, qu'est-ce que j'ai dit? Jeudi 25. Ah, c'est la chaleur, ça. Tu vas perdre nos auditeurs. Jeudi 25, hein. C'est ça 25. Jeudi 27. Jeudi 27, oui. Voilà. Alors, comment vas-tu, Lia? Je vais très bien, merci. Très ouais, chaud, mais bon, ça va. Il fait chaud, mais c'est bon, ça va. Ouais. Ouais, ok, d'accord, ça marche. Alors, moi, tu sais pas, j'avais une idée pour faire une émission comme ça. Je sais pas, tu crois pas, on va arrêter. On va arrêter, puis on va aller au bord de l'eau. Ah, un peu de fraîcheur, tu vois. Ah, ça fait du bien. Ça fait merci du bien. Merci Gilou. Alors, vous êtes avec Gilou dans les années bonheur. Je vous accompagne en musique en direct. Nous sommes ensemble jusqu'à 17h30. On va essayer pour cette dernière émission de l'année. Eh oui. De la saison, de la saison. Donc, je vais vous présenter les chansons coup de cœur de nos artistes que nous avions reçus en interview et quelques nouveautés. Voilà, on a fait un petit choix, tout ça, avec ma petite équipe. Donc, je vais essayer de n'être pas trop bavard aujourd'hui. Je m'économise. Non, mais tout ça, c'est pour passer le plus de musique, de morceaux. Oui, voilà, on va essayer, mais c'est pas gagné. N'hésitez pas à nous laisser des messages sur nos pages Facebook respectives, Radio Guémozo et Gilles Mougel officiel. Je vous attends au standard, nombreux, 03 29 62 40 40. Voilà, faites-nous un petit coucou, voilà, comme ça, ça nous reposera, on sera tranquille. Voilà, alors on va commencer par la première chanson. Une chanson pour l'été. Alors on écoute, c'est le temps des vacances. Voilà, le temps des vacances. Voilà, une chanson de Pierre Lalonde, un chanteur canadien, si je ne me trompe pas. Tu me corrigeras des fois, Lynn, si des fois je dis des bêtises. Alors maintenant, nous allons écouter Jean-Pierre Savelli. Donc Jean-Pierre Savelli dit Peter, de Peter et Sloan. J'ai eu le plaisir de le rencontrer il n'y a pas très longtemps à l'auberge La Croisette des Rivales. Ah oui ? Il tournait une émission avec France 3. C'est l'émission 1, 2, 3, danser. Ah. Donc je l'avais eu par téléphone en phoneur et puis donc je l'ai rencontré de visu, très sympathique. Incroyable. Très sympa et tout, voilà. Et il a aussi, je le remercie, je ne sais pas bon s'il écoute, enfin bon, il aura le podcast, je pense. Et puis donc on a l'exclusivité de sa toute dernière chanson qu'on va écouter, qui s'appelle Même si tout. Samba qui blesse, c'est beau ça, comme une foule en liesse. Santiago pour y faire la Java, à Java la fiesta, partout quoi qu'on fasse. Crescendo les maracas, si seigneur face à face, on va danser, refermer les agendas, de Panama au Panama. Quitter tout, même si tout, même si tout nous rattache. Oui, tout, même si tout, même si tout nous rattache. Voilà Jean-Pierre Savelli. Alors maintenant, nous allons écouter une artiste, Sabelita, qui fait partie de la production aussi de Jean-Pierre Savelli. Et là aussi, c'est une exclusivité, donc Jean-Pierre m'a envoyé aussi. Donc Sabelita nous chante Calais Caliente. On est parti dans le rythme. Voilà. On était en train de danser la samba avec l'IA. Mais il faut un peu chaud quand même, l'IA. Désolé pour cette coupure. C'est vrai qu'il faut se démener. Chaud. Alors maintenant, on va retrouver Lonnie Warner. Lonnie Warner, c'est un artiste de la région parisienne, je me trompe pas, qui était venu en studio. Donc voilà, nous présenter son dernier album. Et puis hier aussi, ou avant-hier, très gentiment aussi, il m'a envoyé son nouveau single. Tu vois, tous ces artistes-là que nous avons reçus voilà, en live ou en phoneur, très gentiment, ont des nouveautés, nous les ont envoyées. C'est gentil. C'est gentil. C'est qu'ils ont apprécié. D'ailleurs, Lonnie, là, il est là en face de nous. Là. Bon, bref. Alors, cette chanson de Lonnie Warner s'intitule « J'ai su que c'était toi ». On écoute ça. « tes yeux comme un adieu. Je chante ton visage comme un voyage. Dans mon sillage, plus de nuages. J'ai su que c'était toi. Quand t'es entré dans ma vie, dans mes jours et dans mes nuits. Sur ton rivage, pas de naufrage. J'ai su que c'était toi. J'ai su que c'était toi. Rien qu'au son de ta voix. Un seul regard posé sur moi. J'ai su que c'était toi. J'ai su que c'était toi. Rien qu'au son de ta voix. Je veux que ce soit rien que toi. Juste toi et moi. Sur un rythme latino. Rien à voir avec le fado. J'écris tes yeux dans ta robe de baïa. Je dessine ton corps dans tes jeans de Cuba. Je pleure tes larmes dans ce vacarme. Je garde tes courbes en mémoire. Je garde ton corps dans mon marbre. Quand tu te cabres sous mon arbre. J'ai su que c'était toi. Rien qu'au son de ta voix. Un seul regard posé sur moi. J'ai su que c'était toi. J'ai su que c'était toi. Rien qu'au son de ta voix. Je veux que ce soit rien que toi. Juste toi et moi. Ne sont plus pleins quand tu es près de moi. Toujours avoir peur de te dire je t'aime, sauf quand tu es loin de moi. Quand tu es loin de moi, je sais. Rien que toi, rien que toi, rien que toi, rien que toi. Loni Warner, voilà, j'ai su que c'était toi. Ben écoute, Loni, je te fais un petit coucou, je ne sais pas si tu es à l'écoute. Voilà, à très bientôt. Alors, maintenant, on va écouter un artiste aussi, le Michael Ferreira. Donc, Michael Ferreira, je ne l'ai pas reçu encore en interview. C'est une émission qui est prévue pour la rentrée au mois de septembre. C'est un artiste qui a travaillé avec Thierry Brenner. Donc, c'est une chanson sur le texte de Thierry. Ça bouge aussi pas mal. Ça s'appelle Livia, Livia. Livia, Livia. Livia, Livia. Livia, Livia. Tu joues ta princesse sur ce rocher chocolat. Tu laisses fondrer et après tu te lèches les doigts. Toi et moi, c'est ganache et biscuit mélangé. Toi et moi, c'est que du bonheur à pâtisser. Livia, Livia, Livia, Livia. Tu n'as qu'à m'en attirer si tu t'occupes pour toi. Livia, Livia, tu n'as qu'à m'en attirer et je fondrai comme ça. Je t'attire sur le toit de l'opéra. Cacao et café, tu n'y résistes pas. Toi et moi, c'est ganache et biscuits mélangés. Toi et moi, c'est qui du bonheur à pâtisser. Livia, Livia, Livia, Livia, tu n'as qu'à moi à dire si tu t'occupes pour toi. Livia, Livia, tu n'as qu'à moi à dire et je fondrai comme ça. Livia, toi et moi ensemble, on va s'amuser. Livia, qu'est-ce que tu attends pour m'aromatiser? Livia, toi et moi ensemble, caraméliser. Livia, Livia, tu n'as qu'à moi à dire si tu t'occupes pour toi. Livia, Livia, tu n'as qu'à moi à dire et je fondrai comme ça. Livia, Livia, tu n'as qu'à moi à dire si tu t'occupes pour toi. Livia, Livia, tu n'as qu'à moi à dire et je fondrai comme ça. Livia, Livia, Livia, Livia, Livia, Livia, Livia, Livia, Livia, Livia. Voilà, Michael Ferreira. En fait, bon, Thierry, il aurait pu écrire Lia, Lia. Ah bah pourquoi pas. Ça l'aurait fait pas mal quand même. Ah, faudra que je lui en parle. Alors maintenant, nous allons retrouver, alors comme je l'ai dit dans mon intro au début, on va écouter bien sûr des chansons des artistes voilà, que j'ai reçues en interview, mais j'avais annoncé aussi quelques nouveautés d'artistes, voilà, dont notamment Didier Barbelivia. Un extrait de son album qui va sortir en septembre. Alors, tout le monde connaît bien Didier Barbelivia, hein, un grand artiste qui a écrit pour de nombreuses, nombreuses, nombreuses artistes aussi. Hein, voilà, je ne les citerai pas, il y en a tellement. Et là, il nous chante, Didier, il nous chante Le temps des bicyclettes. Dire adieu à l'enfance. Sur quelques pas de danse, la maison des vacances, ce n'est pas si loin de nous. Les cheveux attachés, les doigts d'encre tachés, mais qui peut t'empêcher? Le temps qui détruit tout. Le temps des porte-plumes, des bonnes années grand-mère, des bougies qui s'allument pour les anniversaires. Le temps des bicyclettes, ça me semble être hier. Bientôt mes filles vont mettre les chaussures de leur mère. Le premier maquillage où on ne fait plus son âge, envoler l'enfant sage, caillou, hibou, genou. C'est la cloche qui sonne comme un violon d'automne, à la sortie personne. Le temps qui oublie tout. Le temps des portes bleues, des bonnes années grand-mère, des bougies qui s'allument pour les anniversaires. Le temps des bicyclettes, ça me semble être hier. Bientôt mes filles vont mettre les chaussures de leur mère. Dire adieu à l'enfance, au matin d'innocence, déjà l'adolescence a des secrets jaloux. Confidence féminine dans un journal intime, quelque part se dessine. Le temps qui guérit tout. Le temps des portes bleues, des bonnes années grand-mère, des bougies qui s'allument pour les anniversaires. le temps des bicyclettes, ça me semble être hier. Bientôt mes filles vont mettre les chaussures de leur mère. Le temps des porte-plumes, des bonnes années grand-mère, des bougies qui s'allument pour les anniversaires. Le temps des bicyclettes, ça me semble être hier. Bientôt mes filles vont mettre les chaussures de leur mère. Voilà Didier Barbelivien qui nous chante cette belle chanson, Le temps des bicyclettes. Je rigole parce que je vois une petite vidéo sur mon smartphone. Oh, je ne vais pas y arriver. J'articule mon smartphone, voilà. Donc une belle chanson, je disais, de Didier Barbelivien qui nous ramène un petit peu à ces belles années. Ces années, je dirais, comment... Où c'était le bon temps, c'est vrai, c'était ces belles années, il nous ramène dans des beaux souvenirs, des choses simples qu'on vivait à l'époque, cette époque de fou là qu'on vit maintenant. Ouais, il y a toujours des belles chansons comme ça, Didier Barbelivien. Alors là maintenant, je ne vous dis rien, vous allez écouter cette chanson de Jean-Baptiste Guégan. Je vous dis rien, c'est bluffant, écoutez. Avant de s'envoler et que la nuit ne vienne le prendre et l'emporter loin de tout ce qui comme ultime désir, même pour un instant, il voulait vraiment retourner là-bas une dernière fois, à nager avant qu'il ne soit trop tard, que la fin de l'histoire soit jolie. Retourner là-bas encore une fois à Nashville pour la dernière séance et tirer sa révérence à la vie. Sa voix n'a pas changé, il a encore envie de vivre et de chanter, mais pour sa dernière nuit, le lion s'est endormi dans le ciel des géants sans avoir eu le temps de retourner là-bas une dernière fois. À Memphis, Tennessee, retourner là-bas encore une fois, à Nashville, avec sa Gibson, sa Harley Davidson et un seul ami. Encore un dernier rock ou un blues pour la route, pour la beauté du geste, par amour, par défi. Retourner là-bas une dernière fois à Nashville, que la musique qu'il aime soit son requiem, blues et country. Retourner là-bas encore une fois à Nashville pour la dernière séance et tirer sa révérence à la vie. À Nashville Voilà, donc Jean-Baptiste Guégan. Maintenant, c'est la voix de Johnny. Hein. C'est vrai, je ne sais pas ce que tu penses, tu en as pensé, Lia, c'est bluffant. Hein. Bluffant. La voix, c'est vraiment. Ouais. Puis là, donc, c'est un premier single. Jean-Baptiste Guégan va sortir un album, je crois, pour septembre, il me semble. Et c'est une chanson écrite par Michel Mallory. Donc, Michel Mallory qui a longtemps travaillé avec Johnny Hallyday. Donc, là, qui lui a fait vraiment une belle chanson. Enfin, je trouve. Hein, c'est, voilà, c'est. Alors, on va retrouver maintenant notre ami Christian Delagrange, que j'avais reçu la semaine dernière par téléphone. Oui. Ça avait été très sympa. Et voilà, donc on va réécouter son titre éponyme de l'album qui s'intitule « Répare-moi ». Je ne sais plus si je suis capable d'aimer, mais encore une fois, tout est scaté, tout est traqué là dans mon cœur, vidé de toi. Je ne sais pas si je peux lutter et résister tout seul comme ça. Je crève d'envie de te revoir, et toi dis-moi, fais-tu aussi souvent que moi ce rêve-là? Répare-moi cette gazelle à l'intérieur. Répare-moi, je n'ai pas assez de ta chaleur et de tes mains qui me guérissent. Répare-moi, fais ça encore. Je ne sais plus, privé d'envie, inassouvi, survivre à toi. T'as des ressources et l'énergie que je n'ai pas. Comment tu fais? Je ne sais pas comment me faire à ton absence loin de tes bras. Les secondes sont bien plus que des mois et des mois. Et toutes ces ombres qui me hantent, l'ombre de toi dans mon sommeil. Répare-moi, c'est tout cassé à l'intérieur. Répare-moi, je n'ai pas assez de ta chaleur et de tes mains qui me guérissent. Répare-moi, fais ça encore. Répare-moi. C'est tout cassé à l'intérieur. Répare-moi, je n'ai pas assez de ta chaleur et de tes mains qui me guérissent. Répare-moi, je t'en fie. Répare-moi, c'est tout cassé à l'intérieur. Répare-moi, je n'ai pas assez de ta chaleur et de tes mains qui me guérissent. Répare-moi, fais ça encore. Répare-moi. Voilà Christian Delagrange, répare-moi. Je sais pas comment je mets mon casque. Aïe, aïe. Bon, c'est la dernière. On s'éclate un petit peu. Alors, on va retrouver maintenant Jean-François Valence, donc un artiste de la région Alsace, Jean-François, qui nous chante un extrait de son album Pour l'amour d'une femme. Et là, on écoute. Non, c'est pas ça. Pour l'amour d'une femme de Jean-François. Son album. Comment? Ouais, ouais, son album, c'est La force de l'amour. Et le titre, c'est Pour l'amour d'une femme. Merci, Lia. Mais pas de soucis. Je t'inventerai l'Éden, même en enfer, chaque jour que Dieu fait. je serai l'ombre qui défie la lumière au soleil du secret. Oh, je ferai toute une île de mes bras avec nos lignes de chance. Te passerai la bague au doigt pour sceller toute notre alliance. Pour l'amour d'une femme, on traverse mille et un déserts. Pour l'amour d'une femme, on réduit un empire en poussière. Pour revivre un premier rendez-vous, on est prêt à mourir à genoux. On dépose les armes et donne le choix des larmes. Pour l'amour d'une femme. J'affronterai tous les anges diaboliques à souffrir le martyr. Je protégerai tout ton jardin pudique sur les ailes du désir. Oh, je mettrai sur ton corps ton éclat fait de monts et merveilles. Qu'un petit de toi et moi sera ce cadeau du ciel. Pour l'amour d'une femme, on traverse milliards déserts. Pour l'amour d'une femme, on réduit un empire en poussière. Pour revivre un premier rendez-vous, on est prêt à mourir à genoux. On dépense les armes et donne le choix des larmes. Pour l'amour d'une femme. Le choix des larmes pour l'amour d'une femme. Je dépense les armes et donne le choix des larmes pour l'amour de ma femme. Jean-François Valence. Voilà, maintenant on va écouter un petit message. Massé, je me joins avec grand plaisir à Gélo pour cette dernière émission. Merci aux auditeurs pour votre fidélité, aux artistes pour votre confiance et notre équipe pour leur belle collaboration. Je profite de l'occasion pour souligner ton excellent travail, Gélo, pour nous faire de belles émissions semaine après semaine. Bonnes vacances méritées, mon ami. Gros bisous. Un bel été à tous. Profitez-en bien. On vous retrouve en septembre pour une nouvelle saison des Années de Bonheur. À bientôt. Voilà donc ce petit message audio donc de Lynn, avec qui nous avons une belle collaboration, une belle complicité pour préparer ces émissions. Donc ben écoute Lynn, je te remercie pour ce petit message audio. Merci pour les auditeurs qui et puis donc puis l'équipe de la radio qui découvre ta voix depuis le Québec bien sûr. Et puis ben moi je suis touché pour ce que tu dis mais bon si j'ai pu faire de belles émissions c'est aussi bien sûr grâce à toi et comme je disais voilà avec la belle collaboration que nous avons la complicité avec ces artistes que tu m'as fait aussi découvrir. Donc je n'oublie pas non plus Tanti Huma qui nous fait des belles photos pour notre page officielle. Voilà, c'est elle a du grand talent. Voilà ben je vous remercie toutes les deux. Et puis je vous fais de gros bisous. Voilà. À très bientôt, merci. Voilà. Alors, on écoute maintenant. Alors, non, j'oubliais. Oui, alors, Lynn, pour te remercier, je vais te faire cette petite dédicace de cette chanson de Tom Matisse, Je crois que tu aimes bien, si je ne me trompe pas, avec ce titre, Ne perds jamais ton insouciance. Thank you.

et te glisse du bonheur. À toi, intensément, tout ça de vivre comme une enfant qui fait battre son cœur. L'amour n'est rien, rien sans l'amour, je le sais pourtant. L'amour n'est rien, rien sans amour, que des paroles dans le vent. L'amour n'est rien, rien sans l'amour, depuis tout ce temps. L'amour n'est rien, sans rien autour, la vie me l'a pris maintenant. L'amour n'est rien, rien sans l'amour, je le sais pourtant. L'amour n'est rien, rien sans amour, que des paroles dans le vent. Jean Lemonnier. Voilà. Donc Jean, ben, je te fais un bisou si toutefois tu es à l'écoute, ainsi qu'à ton épouse Maryse. Alors, oui, on retrouve Christian Vidal avec ce titre, Fidèle. Fidèle. Ils nous reviennent, les gens du nord, du sud ou d'ailleurs, viennent oublier leur solitude. Fidèles, elles sont fidèles, les valses d'amour aux cheveux d'argent, elles nous reviennent en chantant. Là, toi, l'amour, c'est tout, c'est une rose. L'amour, un tendre rendez-vous, fait l'un pour l'autre. L'amour, c'est comme une chanson, quand elle se pose, elle reste là, au fond des cœurs, cette chanson. L'amour, c'est toi, l'amour, c'est tout, c'est une rose. L'amour, un tendre rendez-vous, et bien d'autres choses. Une passion aux petits mots jaloux, des nuits velours à rendre fou. Elle nous surprend, cette chanson, faites pour nous. Un bras d'amour sera toujours au rendez-vous. Fidèles, ils nous reviennent. Voyage d'un jour qui s'en détourne, viennent chanter la chanson d'amour. L'amour, c'est toi, l'amour, c'est tout, c'est une rose. L'amour, un tendre rendez-vous, fait l'un pour l'autre. L'amour, c'est comme une chanson, quand elle se pose, reste là, au fond des cœurs, cette chanson. L'amour, c'est toi, l'amour, c'est tout, c'est une rose. L'amour, un tendre rendez-vous, et bien d'autres choses. D'une passion au petit mot jaloux, les nuits velours à rendre fou. Elle nous surprend, cette faite pour nous. Un bras d'amour sera toujours au rendez-vous. La la la la la la la la. Un bras d'amour sera toujours au rendez-vous. Fidèle. Fidèle, voilà, nous sommes fidèles, nous, Radio Gamozo. Vous pouvez nous appeler, bien sûr, soit 29 62 40 40, nous faire un petit coucou, hein. On a encore eu 30 minutes d'émission, voilà. Nous avons écouté Christian Vidal, voilà, on est reparti dans la chanson romantique, avec des belles paroles, voilà. Comme tu les aimes. Pardon ? Comme tu les aimes. Voilà, c'est ça, voilà, tu vois, je me balançais un petit peu, je chantonnais un petit peu, de, voilà, c'est ça. J'ai failli allumer ton micro pour que les auditeurs puissent entendre chanter. Ouais, c'est vrai. Un éternel romantique depuis toujours. Voilà Christian Vidal, un bel artiste avec tous ces chanteurs des années 70 là, qu'on a connus, Mike Brandt, Claude François, Joe Dassin, tout ça, tous ces beaux artistes-là. Voilà. Alors maintenant, on écoute Philippe Savada qui nous interprète « Danser ma vie ». Plein d'étoiles, rêve de la plus belle plage de sable au soleil, rêve, n'arrête pas de rêver, rêve, demain on peut s'en aller, toi et moi, tout quitter. Par amour, mon amour, viens, je t'emmène danser dans ma vie. On va s'éclater, c'est promis. Comme deux enfants qui n'ont plus peur de rien. Et allez, viens, je t'emmène danser dans ma vie. On va s'inventer, c'est promis. Un paradis main dans la main. Et garde les yeux grands ouverts. Rêve, ton voyage on va le faire, toi et moi. Rêve, n'arrête pas de rêver. Rêve, tout ce qu'on peut imaginer. S'éclater, c'est promis. Comme deux enfants qui n'ont plus peur de rien. Et allez, viens, je t'emmène danser dans ma vie. On va s'inventer, ma chérie, un paradis main dans la main. Philippe Savana, voilà, je te fais une bise aussi, Philippe, voilà. Donc, on va écouter maintenant Cathy Varna qui m'a fait aussi le plaisir de m'envoyer sa toute dernière chanson. C'est tout frais, c'est tout frais, c'est tout frais. Que d'exclus. Donc, merci à Cathy pour l'exclusivité. Et ce titre s'intitule « Au crépuscule de ma vie », « Au crépuscule d'un matin ». doucement je m'habitue à vivre seule toutes ces années. Et pourtant je continue toutes ces nuits à espérer que nos âmes enfin se retrouvent au crépuscule d'un matin. Perdre mémoire de notre vie, de son passé. Le chaland d'une autre histoire et de bien d'autres vérités sera là enfin pour que s'ouvre le crépuscule d'un matin. Voilà, Cathy Varda. Voilà, je change de technicien de nouveau. C'est bien. Alors, je voulais faire un petit coucou à Laurie. Donc, Laurie qui nous a rejoint, qui est donc a rejoint les années bonheur, et qui nous avait mis un petit, gentil petit mot sur Facebook. Alors, Laurie, je ne sais pas si vous m'écoutez, ben, je vous fais un petit bisou. Et puis, bien sûr, c'est la dernière émission, mais on se retrouvera début septembre. À bientôt, merci. Alors, on écoute maintenant Rino Lombardi. Ah, cette chanson, je l'aime bien. Je l'aime bien, cette chanson. Alors, elle s'intitule « L'infirmière de nuit ». Tous les soirs, elle passait devant ma chambre. La belle dame, si belle dame. Sans en avoir l'air, elle roulait des j'admirais ses jambes, belles jambes, si belles jambes. Et j'imaginais son corps sous sa blouse, sa courte blouse blanche. Se bousculait dans ma tête et mon cœur battait pour la douce Lorette. La belle infirmière de nuit, elle se penchait en souriant sur mon lit. Je priais pour que ce moment s'arrête pour passer la nuit en compagnie de Lorette. Bien sûr, elle n'en a jamais rien su. Je ne l'ai jamais, jamais revu. suivi longtemps. Pour mon infirmière de nuit, souvent j'ai rêvé vous avoir dans mon lit. Et très gentiment sur vous me pencher, et sur vos lèvres poser un baiser. Les soirs elle passait devant ma chambre, la belle dame, si belle dame. Et j'imaginais son corps sous sa blouse, sa courte blouse blanche. C'est la nuit en compagnie de Lorraine. Vous, mon infirmière de nuit, souvent j'ai rêvé vous avoir dans mon lit. Et très gentiment sur vous me pencher, et sur vos lèvres poser un baiser. Et très gentiment sur vous me pencher, et sur vos lèvres poser un baiser. Rino Lombardi, l'infirmière de nuit. C'est sympa, hein, Elia, je trouve ça. Hein, c'est original comme titre. C'est un peu coquin, mais ça reste tout à fait gentil. Hein. Voilà. Alors, Rino Lombardi, il était venu ici en studio avec sa chanteuse, Natacha. Ah oui ? Très, très, très sympa. J'ai eu l'occasion d'aller le voir à Bussan, il n'y a pas très longtemps. Et une belle surprise, Rino, disons, bon, il chante quelques chansons et... Il m'a fait un petit coucou, il a dit merci, enfin il nous a remercié, Radio Gamozo. Voilà, il nous a fait un petit coucou pour la radio et bien sûr pour moi, pour mon émission Les Années Bonheur. Mais tu vois, ça c'est rare quand même. Ça fait plaisir. Ça fait vraiment plaisir, ça prend, tu vois, ça touche. C'est vrai que voilà, et c'est, tout le monde ne le fait pas. Mais bon, c'est comme ça. Alors après, Rino Lombardi, on va retrouver Tom Matisse, qu'on a écouté déjà tout à l'heure. Mais bon, Tom, c'est un de nos... à nos chouchous. Et puis là, bon, j'aime bien cette chanson-là. C'est une chanson qui est un petit peu Schlager. J'aime bien un peu la variété allemande. Il chante moitié français, moitié allemand. Donc, on écoute « Parlez-vous français ?» Wir küssten uns im Kettenschein. Du lagst in meinen Armen, oh oh, Chérie, und hast mit mir geträumt. Wir waren so jung und wir waren verliebt, doch beim Abschied gab es Tränen. Und auf einmal war uns klar, das wird ein Abschied für immer sein. Parlez-vous français? In der Sprache der Liebe klingen die Worte so wunderschön. Parlez-vous français, mon amour, je t'aime, kannst du mich verstehen? Ich hab dir viel zu sagen und so viele Fragen. Parlez-vous français? Die Sonne scheint dort an der Champs-Élysées, wo ich die große Liebe fand. Und nachts in meinen Träumen, oh oh, Chérie, gehen wir doch Hand in Hand. Wir waren so jung und wir waren verliebt, doch beim Abschied gab es Tränen. Und auf einmal war uns klar, das wird ein Abschied für immer sein. Parlez-vous français, mon amour, je t'aime, kannst du mich verstehen? In der Sprache der Liebe klingen die Worte so wunderschön. Parlez-vous français, mon amour, je t'aime, kannst du mich verstehen? Ich hab dir viel zu sagen und so viele Fragen. Parlez-vous français? Wir waren so jung und wir waren verliebt, doch maar je kan het trainen. En op einmal war ons klar, dat wird een Abschied für immer sein. Oh, ma chérie, oh, mon amour, parlez-vous français avec moi? Oh oui, parlez-vous français. In der Sprache der Liebe klingen die Worte so wunderschön. Parlez-vous français, mon amour, je t'aime. Kannst du mich verstehen? Ich hab dir viel zu sagen und so viele Fragen. Parlez-vous français. On est reparti un petit peu dans le rythme. Alors je fais un petit coucou à Mado, ma collègue animatrice de Radio Puis Haleine. Voilà Mado, si tu es à l'écoute, ben je te fais des bisous. Voilà, puis à bientôt. Je fais un petit coucou aussi à mon ami Dany, bien sûr. Bisous Dany. Et là on va retrouver Denis Simon. Alors Denis Simon était venu en studio. C'était avec toi, Léa, je crois. Oui, non, c'était avec moi, il me semble. Donc, et puis avec sa choriste Cyrielle. Tout à fait, c'était voilà, avec moi. Voilà, c'était très sympa, on a bien rigolé, on a écouté de la belle musique, on a fait des photos aussi. Alors j'ai cette photo que j'ai faite avec Cyrielle qui est très grande. Ah oui, ça t'a et moi je suis ça. Tout petit à côté. Mais bon, elle avait aussi des hauts talons, mais elle est quand même grande. Tout à fait. Alors on écoute cette chanson. Merci, merci pour tout. Faire monter comme ça. Balance le son, chante avec moi. Merci, merci pour tout. Merci, merci beaucoup. Ce serait rassera de se quitter sur cette chanson. La la la la la. Merci, merci pour tout. Merci, merci beaucoup. Comme vous avez bon goût, on va remettre ça. Chanson la la la. Denis Simon. Merci, merci pour tout. Alors Denis, ben, je te fais un bisou, ainsi qu'à Carole, ainsi qu'à Louane et bien sûr à Cyrielle. Parce que tu sais très bien que si t'étais pas, si t'étais venu sans Cyrielle, on n'aurait pas fait l'émission. Voilà, voilà. Ceci dit, maintenant on va repartir avec Michel Monaco sur un Madison. Il nous interprète « Laisse passer le temps ». Souvenirs, Mariti et Gilbert sont gravés dans nos cœurs. L'histoire de nos 15 ans ont marqué notre vie. Certains s'en sont allés au paradis des fleurs. On entendait chanter dans toutes les cours d'école. Tu es le soleil ou tu es la plus belle. Il n'est pas si loin le temps de nos idoles. Tu croyais Claude François avec son bel, bel, bel. J'ai encore chez les cœurs comme au jardin d'Eden. Si Stone et Chardin chantaient la même toura, ma grande te jurait, c'est comme ça que je t'aime. Laisse passer le temps, écouler les rivières, toujours mes sentiments dans tes yeux, ma lumière. Laisse passer le temps sur ces mêmes refrains, je t'aime toujours autant. Avec toi j'ai 16 ans. Laisse passer le temps, passer le temps. Et Johnny qui avait un problème, Zanini de leur souffler. Tu veux ou tu veux pas, Nicoletta croit toujours que la vie est un manège. Joey, Joey nous faisait voyager jusqu'à Guantanamera, Guantanamera. Si Richard était très amoureux de sa femme, Ingo prenait le large avec son Santiano sur ses rythmes. Romina et Albano dans les balles populaires, ouais on sait faire la fête dans les balles populaires. Laisse passer le temps, écouler les rivières, toujours mes sentiments dans tes yeux, ma lumière. Laisse passer le temps sur ces mêmes refrains, je t'aime toujours autant. Avec toi j'ai 16 ans. Laisse passer le temps, le temps. Voilà, Michel de Monaco, laisse passer le temps, qui nous rappelle aussi dans ce texte, dans ses paroles, des souvenirs, voilà, de ces années, de ces belles années. Alors on va écouter, là, je voulais me faire plaisir. Puis je pense que ça fera plaisir à nos auditeurs, j'espère, tout du moins. J'aime bien cet artiste, c'est une artiste allemande, voilà, toujours la variété allemande et bien sûr romantique. Elle s'appelle Monica Martin, elle nous interprète la Luna Blue. Jede Nacht bei Vollmond spür ich's tief in mir. Jede Nacht bei Vollmond zieht es mich zu dir. Du nimmst mich gefangen, ich gebe offen zu. La Luna. again. Wie so oft im Leben gibt's ein Wiedersehen. Bin dir ganz verfallen und warte immer zu. Bist du wieder aufgehst, la luna blue, la luna blue. Monica Martin, pardon, la luna blue, facile à traduire, hein, la lune bleue, oui. C'est beau, hein. T'en perds ta voix, dis donc. Alors maintenant, on va écouter, je pense, la toute dernière chanson, il est 17h23, après on se fera un petit coucou pour se dire au revoir. Donc on écoute Frédéric Arnaud avec ce titre, Quand reviendras-tu ? Voilà, quand reviendras-tu, Frédéric Arnaud? Ben je reviendrai bientôt. Alors, pour cette fin d'émission, je voulais remercier tous les auditeurs et les auditrices pour m'avoir suivi durant ces mois, ces semaines, dans les années bonheur. Merci à vous tous. Je voulais remercier aussi, bien sûr, tous les artistes que nous avons reçus en interview. Merci pour votre confiance. Je remercie encore ma petite équipe, Jimoujel Officiel. Lia, je te dis merci. Bah de rien, avec grand plaisir. C'était toujours avec grand plaisir pour toutes ces émissions que nous avons passées ensemble. Tout à fait. Et toujours avec un beau sourire, c'est agréable. Voilà, donc portez-vous bien. Et oui. Bonnes vacances à tous. Passez un bel été. Et puis plein d'amour, c'est important. Ah. Bye bye à tous et à bientôt. À bientôt. Tes volets, à nouveau la pluie s'est mise à tomber. Tu repars au travail, tu n'as pas le moral. Tu et tes fourmis deviennent cigales.